Natal. Não sei se é ela, mas podia ser igual. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Écoutez, les 13h30 passées, voilà donc au retour pour l'émission Midance jusqu'à 17h. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, aussi très bonne matinée tout simplement, avec d'autres émissions tout simplement, avec l'émission Vert Matin avec Jean-Pierre. Voilà donc, nous sommes ensemble pendant l'après-midi avec toutes sortes de chansons différentes. Juste un instant, on a pu entendre tout simplement François Feldman. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec d'autres chansons, avec déjà un groupe, avec les To Be Free, Partir un jour, et puis ainsi un autre groupe, Bananarama. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. ciel. Voici Dutheil avec Lucille et la libellule. Deux ou trois libellules en vol troublent Lucille sur le chemin de son école en pleine ville. Ces libellules en ville sont folles, se dit Lucille, qui les attrape avec un fil et puis s'envole. Deux ou trois libellules en vol portaient Lucille. Deux ou trois hirondelles en fil suivaient leur vol. Elles sont arrivées sur une île si loin de son école que les lumières de la ville sont des lucioles. Les libellules disaient, Lucille, à notre école, moi c'est facile, tu vas décider et tu t'envoles. Comme elle prononçait ces paroles, au même instant, Lucille entendit au loin dans la ville sonner l'école. Deux ou trois libellules l'envolent sur la Lucille, sur le chemin de son école, en pleine ville. Traçant le pas souple et gracile, Lucille frôla le sol, battant des cils d'un air tranquille vers son école. C'est là notre conscience, tout en prudence, qui nous pousse à s'enfuir. Pourtant je sais qu'au fond le futur est à moi. Le hasard sans raison, bien sûr que je n'y crois pas. Au diable les pardons, je pose le ton et me pousse à tenir. Hello. Dans son absence, j'ai le cœur en cavale. Depuis l'adolescence, c'est devenu infernal. Quelle fois l'accoutumance, à l'évidence, qui nous sommes d'agir. Et puis si ce n'est qu'un montant qui ne me tue pas, je donnerai mon cœur en carton, cassé à qui on voudra. Je prends mon inspiration, je monte le son et me pousse à te dire hello. Apprivoiser l'instant présent, fini les c'était mieux avant. Vivant, c'est juste comme ça que je me sens. Faisant le moment, le boulot, et c'est meilleur comme ça vraiment. Hello. Oh, oh, oh, oh. Hello. S'appelle Véronique Sanson avec la douceur du danger. Je suis assise sur une bombe atomique et pour une fois c'est vraiment pathétique. Les tentations qui sont souvent magiques me font l'effet d'un retour d'élastique. Et tous les jours je lutte tout le temps contre un élément qui me va. voici quelques chansons portugaises. On se retrouve juste après. Foi assim na minha aldeia, um grande engraçamento. Yeah. bonita. Soy tu chica bonita, tu señorita. Aunque me estresa tu, tu achito, eu e vendi su papi. Eu te controlo como artista, mas é no amor, sou especialista. Chica bonita. Voici donc de retour avec les chansons françaises et voici Alex Deval, Amour libre. Tes disputes sous le grand jour de notre amour. Concession, notre passion compte ses jours. Je cours me perdre dans l'oubli, tout seul sous la pluie. Bien mal acquis, mais bien conquis sous les étoiles. Sinon, qu'elle s'appelle Violette Cara avec Délivre-moi, et puis juste après Alice Donna. Délivre-moi, les lacets sont des grands froid et j'ai peur pour tout contre moi. C'est l'époque, chacun pour soi. La bine est nous, accro de ça. Tu reviens. le country et puis juste après Alphaville. Into somebody's arms and lose myself inside, but just any old arms won't do. They must belong to you. I'd like to know the soothing comfort of a love that never dies. But just any old love won't do. That love must come from you. I've tried so hard to find someone to love since I lost you, but they only make me realize how much that I need you. I'd like to know when I grow older, someone's heart will still be true. But just any old heart won't do. It must belong to you. The sky is blue, there's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says clear today, he doesn't know you've gone away, and it's raining, raining in my heart. Mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart. Raining in my heart, raining. Voici donc Céline Dion. Le titre, tout simplement, s'appelle « Quand on n'a que l'amour ». Que l'amour. À s'offrir au partage. Au jour du grand voyage. Que notre grand amour. Quand on n'a que l'amour. Éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour me blesser l'amour pour habiller le matin, pour les malandrins de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mondes de la terre en simple troubadour. Voici qui le titre s'appelle le Corrida Francis Cabrel. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent tous ces acrobates. Jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre, baila, baila, hay que bailar de nuevo y mataré los otros, otras vidas y otros toros, y mataremos otros. Venga, venga, baila. Mataré los sinon qui s'appelle Pierre Lopes avec Petit Enfant et puis juste après de l'accordéon. Petit enfant qui marche dans le vent, ne laisse pas passer le temps. Tu rêves d'une vie nouvelle sans savoir ce qui t'attend. Mais n'oublie pas ce qu'on

Voici le titre, il tape sur les bambous avec Philippe Laville et suivi de Claude Nougaro. Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Sur des bambous et joue pas les requins. Il tape sur des bambous et joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien. Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien. Lui, la gloire, il s'en fout et ça va, ça vient. Il connaît le nom des bateaux, prénom du capitaine. Il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est une musique machine. Petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, et qu'est-ce que je vais faire? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène? Et qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est tout ce qu'elle sait dire. En couvant, embrasant, comme je voudrais dormir. Faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs, dans une ville en pluie, mais tellement de Dieu. Elle a dû remonter par la route Rivoli. J'ai de la flotte plein les yeux. Parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel amour absolu éternel. Faudrait de penser n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour. Voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps. Et le moment fatal, le vilain mari, tu le prends si charmant. L'amour, son bel amour, il ne fera bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair. Je les ai oubliés. Où donc est-elle partie? Voilà quelques décors de mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la Concorde. Ça y est, je la vois. grand frère, si pour notre bonheur tu revenais sur terre pour y faire le chanteur, égrener tes balades, tes savoureux lutins, tu ne donnerais plus souvent l'aubade à la radio le matin. Car par malchance, les trois quarts des stations cultivent l'indifférence pour la bonne chanson. Et même la mieux écrite, qui n'a pas leur tampon, n'ira jamais sur leur playlist. En français, t'es marron. Ils diraient, t'as pas la couleur, t'as pas la couleur. Pour ma radio branchée, t'es plus sur le marché. T'as pas la couleur, t'as pas la couleur. Toute ta prosodie ne vaut plus un radis. Mon très cher Georges, si tu es là-haut, vois-tu, dans les rues qu'on s'égorge, mais qu'on ne chante plus. Pas plus que sur les ondes, les télés en gros plan, où des braves gens confondent les flatulences et le talent. Georges, cher Georges, aujourd'hui ta Margot, malgré sa jolie gorge, risquerait l'embargo. Dans ses stations-service, pourtant prête à chanter, le brillant cuistre de service t'aurait vite écarté. Il dirait, t'as pas la couleur, t'as pas la couleur. Pour ma radio branchée, t'es plus sur le marché. Bref, mon cher Georges, l'Auvergnat n'est pas seul, victime de ses coupes-gorges, où l'on sert du tilleul. Cette charmante overdose de bleuettes insipides, l'auditeur à qui on l'impose est-il aussi stupide? D'une montre à pâte à réelle consternation, aux crétins qui interdirent ta mauvaise réputation. Colosse aux pieds d'argile, Verlaine et la Boétie ont subi les mêmes imbéciles et leur impéritie. T'as pas la couleur, t'as pas la couleur, que ces mots de malheur ont fait verser de pleurs. Que de peuplades, de tribus et d'ethnies connurent bastonnades, brimades et dénis. Le délit de sale gueule, le syndrome du foncé, la vie entière jusqu'au linceul, on leur a ressassé. T'as pas la couleur, t'as pas la couleur. Et oui, même aujourd'hui, c'est ce que partout l'on dit. T'as pas la couleur, t'as pas la couleur. Georges, comme tu le disais, les cons s'arrêtent jamais. Arc-en-ciel. Voici donc du rythme. Dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. Ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tostero y tengo claro que es mi culpa, mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tiene dinero. Oh, yeah. Y parecho de extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, the night's like fuego. Oh, we bought this a dinero. Oh, yeah. Y parecho de extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. Upon styles, upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go rooftop. I am on top of the pedestal, flu shot. I am so sick, I need medical. Puta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel, new and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm. You like that space? Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. donc serre-moi et c'est Nel Perso. Serre-moi contre toi, ce n'est pas qu'il fasse froid, mais j'ai peur de l'aurore, de cette vie qui défile. Serre-moi fort, lorsque la nuit s'en va, c'est peut-être inutile, mais serre-moi contre toi. Pas comme au cinéma, ne fais pas semblant. Je veux ton souffle chaud, serre-moi tant. Là au creux de mon cou, sentir ses bouts de peau, me caresser les joues. l'ordi en deux. Fini les bons et loyaux sévices, pétage de plomb, les tours de vis. Je vous dis quand même bonjour. Pour mon dernier jour. 15 ans de boîte. Déjà 15 ans de boîte. De ferme-là. De missionnaire à démissionnaire. Il n'y a qu'un pas. Je marche droit. Yes. pela madrugada cantando este fado, sou abençoada. De pequenina gostei do fado, eu sempre cantei por ele chorar neste tom magoado. Meu amor, esta mulher aqui é louca por ti e não différentes. Heures, 9 heures. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Retrouver donc pour demain, nous sommes déjà mercredi, mais ce soir à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe pour l'émission électrique choc. Donc demain, donc mercredi déjà, à partir de 7h, 9h avec Francky, suivi de 9h jusqu'à midi avec Victor, avec Portugal en fait, et puis suivi dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h. Avec la musique de Gloria, avec Gloria. Je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Alpha du jour. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes Souliers sont Rouges. Vous écoutez les traditionnels sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Après, suivi d'une autre émission à partir de 19h30 jusqu'à 21h avec Christina, avec l'émission Pouffleur de Formidable. Voilà donc pour les émissions de ce soir et ainsi pour demain mercredi. Voilà donc les chansons et voici du country. Arc-en-ciel. Nous on aime la musique country, c'est d'hier et d'aujourd'hui. Get off the cold. Oh, precious. rusty 45. How many can you name that you faced and left alive? How many hit the dust and left their lying in the street? Did you get them in the back? Or did you face them on their feet? Oh, yes, you had your day. You were known for slinging lead. Those behind you laughed and shouted. Those in front of you fell dead. Though they fought you and they cursed you, you got them one by one. Or they kept your barrels smoking. There was no stopping you. The gun. There was Lightning Dan and Killer Sam and a rustler known as Lou. There was Utah Pete and One-Eyed Jack. It was to mention just a few. So won't you tell me how you feel now that your battles have been won? Speak up. We've no secrets. For I'm the man and you're the gun. Yes, you're the gun that tamed the West. And I'm the last one that you faced. The one who owned you then, he was beaten and disgraced. Yeah, they cheered me and they whined me the day I shot him down. I was their hero. Heard my praises echoed through that western town. But then, although I beat you, you became my own downfall. For I placed you in my holster to see how many I could stall. The very next fight, he got me. Left me wounded and outdone. But it wasn't him that beat me, no. It was you. Yeah, you. Gun. So go on. Hang there on the wall and ignore me, see if I can. I'll just wheel myself over to the window here. Get me a breath of fresh air. So when some friend comes calling, I will this story shun. For I know he'll seek the victor. Was it me, or was it you, the gun? Arc-en-ciel. Voici donc Lily Harmony avec son titre Tout invité, et juste après Garou. Et que m'importe d'où tu viens et de n'importe quel continent, nous sommes tous invités sur terre. Nous ne sommes pas si différents. Il suffit simplement d'y croire, de se parler. Fraternité pour que le soleil enfin inonde de ses rayons vers cette amitié. Il suffit parfois de presque rien et peut-être une main tendue à prendre de l'autre. Et oui, moi j'ose savoir que le temps n'est pas perdu. vie c'est comme les papillons. D'abord je nie dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton, se retrouver en plein soleil, bailler en déployant ses ailes et s'envoler. Papillon du jour, toujours, toujours, toujours, toujours l'amour. Papillon du soir, toujours, toujours, toujours, toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, toujours, toujours, toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Les hommes tout comme les papillons d'abord pleurer dans les jupons, et puis un jour quitter la maison. Tout le valet de balcon en jardin plané, de bonheur en chagrin. Papillon des jours, toujours, toujours, toujours, toujours l'amour. Papillon du soir, toujours, toujours, toujours, toujours mouchoir. Toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, toujours, toujours, toujours l'amour. Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Papillon du jour, toujours, toujours, toujours, toujours l'amour. Soir, toujours, toujours, toujours, toujours mouchoir. Toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, toujours, toujours, toujours l'amour. Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Papillon du soir, bonsoir. Arc-en-ciel. Voici donc qui s'appelle Régis Fléchot pour l'amour d'une femme. Et juste après, Gainsbourg. Des mers secrètes pour l'amour d'une femme, j'ai bravé toutes les tempêtes pour l'amour d'une femme, j'ai souvent failli faire naufrage, j'ai damné mon âme pour atteindre quelques terres sauvages, et si aujourd'hui j'ai replié mes voiles, que j'ai cessé de braver tous les dangers, c'est que j'ai enfin pu trouver mon étoile, celle pour qui j'ai décidé de tout larguer. Peinture, la musique, la chanson, enfin doué pour la vie, quoi. Mettez-le dans une pièce avec un piano et un stylo. Laissez-le tourner, chercher, laissez-le brûler. Laissez-le faire son trou, son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Et puis quand vous l'aurez laissé chanter, laissez frémir, laissez brûler devant vous, vous le ferez revenir. Serge Gainsbourg. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer opérant. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit, et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas pour invalide changé à opéra. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Arc-en-ciel. Mon soleil éclaire mes jours, mes nuits.

course I had my share of losing. Once they locked me on the chain. Yes, they tried to break my power. Oh, I still can feel the pain. Voici donc l'Élise avec un déclic. you desire. You are the every moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, I know that I'm so deep in love. Voici donc totalement Megamix Disco 80, et puis juste après on écoutera un autre morceau, c'est du Latino avec Zonko. Take me out. I'm listening while you're waiting for love. my heart. I can tell what's going over me since I saw you last night dancing. Now I know my life came to the point that there was you. Barcelona, yeah, Barcelona, yeah. Tengo corrida la plaza de toro. Now in New York I'm singing for you. Oh, oh, oh. Tu estás la party, moi je t'aime, una rouge, mon amour. But in London the big band is time. Oh, oh, oh. Barcelona, yeah. Tengo corrida la plaza de toro. Now in New York I'm singing for you. Oh, oh, oh. Tu estás la party, moi je t'aime, una rouge, mon amour. But in London the big band is time. Oh, oh, oh. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. C'est trop chic, je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, puis je m'en fous, c'est ton pouce, je fais. On passe à bailler, je fais le travail. On passe à bailler, il va me tuer. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ya me acostumbré, dímelo mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música la mía. Alguien hay más soberana que a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. Se me a trop de go. On a réchisé le fuego. Évidemment, viens pour faire le show. Si tu peux te comprendre, dis-moi dans mon nez. Yeah.